Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence. Bonjour Lucille. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors on va parler des cours criminelles et des cours d'assises aujourd'hui. Le procès Le Squarneck, du nom de ce chirurgien accusé de viol et agression sexuelle sur près de 300 victimes, s'est ouvert lundi 24 février devant la cour criminelle du Morbihan. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette juridiction répressive, créée en 2019 d'abord à titre expérimental, puis généralisée en 2021. Il existe désormais deux juridictions compétentes pour connaître des crimes, la cour d'assises et la cour criminelle départementale. Mais alors, quelles sont leurs spécificités ? La première, la cour d'assises, est une juridiction ancienne, traditionnellement compétente pour juger de tous les crimes. Elle est composée de trois magistrats professionnels, qui forment la cour, et d'un jury populaire composé de six jurés citoyens. En appel, le jury populaire est composé de 9 membres. La cour criminelle départementale a une compétence quant à elle plus réduite, puisqu'elle est compétente pour juger en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle, hors récidive. Mais surtout, la différence majeure avec la cour d'assises concerne sa composition. Le jury populaire disparaît au profit d'une cour composée exclusivement de 5 magistrats professionnels. Est-ce que tu penses que les cours criminelles permettront d'aller plus vite ? Alors, c'était l'un des objectifs et l'un des arguments du gouvernement pour mettre en œuvre cette nouvelle juridiction, mais un rapport de l'Inspection Générale de la Justice de 2024 montre que cet objectif premier des cours criminelles départementales n'a aucunement été atteint. Pire, elles se sont avérées contre-productives en faisant globalement perdre du temps à la justice, comme le précédent rapport du comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle le laissait déjà présager. Dans ce cas-là, est-ce que tu penses que les cours criminels mettront fin au phénomène de correctionnalisation des viols ? Alors c'est peut-être important de rappeler aux auditeurs, aux auditrices ce qu'est la correctionnalisation. C'est une technique procédurale pénale qui consiste à qualifier des faits de délit alors qu'ils devraient normalement être qualifiés de crime. Par exemple, c'est un viol qui va être qualifié d'agression sexuelle. Malgré la création des cours criminelles départementales, cette correctionnalisation des viols reste un phénomène d'ampleur, comme le montre encore une fois le rapport précité. Ok. Est-ce que tu penses que pour l'État, la cour criminelle, elle permet de faire des économies ? C'est très incertain, car si l'indemnisation des jurés en première instance est relativement faible, celle des magistrats honoraires, des avocats honoraires et des magistrats à titre temporaire qui siègent à la place des jurés est bien plus élevée. De plus, le rapport mettait en évidence l'augmentation du taux d'appel généré par l'apparition de ces nouvelles cours, à affaires équivalentes 21% contre 15% pour les cours d'assises, d'appel en plus. Donc plus d'affaires à rejuger, ce qui là aussi représente un coût. Dès lors, les effets de l'instauration des cours criminels ne semblent pas franchement concluants. Surtout, la suppression du jury populaire apparaît comme une menace pour la démocratie et un risque d'entamer la confiance déjà étiolée des justiciables envers l'institution judiciaire. Ok, merci beaucoup Prudence pour ces informations que je ne connaissais pas du tout. Eh bien, merci pour votre attention, on vous souhaite une belle journée, on vous dit à très vite. Au revoir. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.